Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Bruxelles, terre de lobby. Secret des affaires, traité transatlantique, scandale du diesel avec Volkswagen. Récemment, l'Union européenne s'est encore une fois imposée dans l'actualité sur son versant le plus trouble. Que ce soit le mystère qui entoure les négociations sur le traité transatlantique, les réelles intentions de la directive sur le secret des affaires ou encore le scandale des normes anti-pollution, à chaque fois, ces décisions prises à l'échelle européenne sont entourées d'interrogations, d'opacité, voire de soupçons. Au cœur de ces sujets revient sans cesse, en arrière-plan, un acteur central de la politique communautaire, les lobbies. Corruption, conflit d'intérêts ou influence trop importante, la critique des lobbies est récurrente à l'heure de pointer les dysfonctionnements de la démocratie européenne. Surtout en France, où ils ont depuis toujours une connotation négative. Le problème, c'est que ce réflexe critique agit comme un refuge et favorise la désaffection du politique, voire le rejet du système et de l'idéal européen. Pourtant, la réalité, c'est que l'émergence des lobbies est intrinsèquement liée à la construction de l'Union européenne. Pour comprendre ce phénomène, nous reviendrons d'abord sur la définition et la place des lobbies à Bruxelles. Nous nous arrêterons ensuite sur des affaires précises qui illustrent le fonctionnement, mais aussi les dérives de cette activité. Et nous verrons quelles sont les procédures de contrôle mises en place au sein de l'Union européenne. En seconde partie d'émission, nous recevrons Martin Pigeon, chercheur à l'Observatoire de l'Europe industrielle, où il étudie les groupes de pression et leur influence sur les politiques européennes. Nous entendrons aussi un reportage d'Anaël Verzo, qui s'est rendu à Bruxelles à la rencontre d'un lobbyiste et d'une militante de Greenpeace plongée au cœur des discussions sur la glyphosate, un désherbant soupçonné d'être cancérigène et pour lequel de nombreux lobbies se sont mobilisés. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézonome avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Léa Dupuyenquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois et Florent Layani. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bruxelles, capitale administrative de l'Union européenne. Il suffit de marcher quelques minutes dans le quartier européen, justement, à l'est de la vieille ville, entre les rues Belliard et de la Loi, où s'érige fièrement l'un des trois lieux de travail du Parlement, autrement dit le Conseil européen et la Commission européenne, puis de porter un œil attentif aux immeubles alentours, de lire les plaques listant les locataires des bureaux, pour comprendre ce qui se joue ici. Banques, géants du pétrole, assurances, industries chimiques, think tanks, firmes d'avocats, tout le fleuron des principales multinationales possède une antenne à Bruxelles. Si les lobbies sont souvent cette image lointaine et secrète, ils s'inscrivent en réalité de manière très concrète dans cet espace de pouvoir. Après Washington, Bruxelles est aujourd'hui la ville qui connaît la plus grande concentration d'activités lobbyistes. On compte environ 30 000 personnes qui travaillent pour cette industrie générant plusieurs milliards d'euros. Entreprises, banques, cabinets juridiques, consultants en relations publiques, syndicats, ONG, associations professionnelles, qu'elles soient privées ou publiques, toutes les structures ayant un intérêt à défendre une entreprise ou une autre entité sont représentées à Bruxelles, au plus près des institutions européennes, là où se décident règles, lois et autres directives qui encadrent la vie des 507 millions de citoyens. Alors parfois, dans les rues de Bruxelles, du côté du quartier des hôtels, au Thon ou aux résidences Palace, on se regroupe, on se rencontre, on se réunit. Les think tanks en vue, comme Bruegel, Forum Europe ou Friends of Europe, organisent des colloques en tout genre. Le thème débattu est souvent en lien étroit avec l'actualité européenne. Ces jours-ci, traités transatlantiques ou crise grecque sont à l'ordre du jour. C'est là que les différents acteurs de celle qu'on appelle désormais la Bruxelles Bubble, la bulle bruxelloise, se retrouvent, ONG, entreprises ou syndicats. Alors on y réseaute, on échange des informations ou des conseils. Bien, mais qu'appelle-t-on lobby ? À l'origine, c'est une invention anglo-saxonne qu'on pourrait définir comme un lieu de passage intermédiaire, un entre-deux dans l'antichambre du pouvoir. Il se trouve là en amont ou en aval des décisions politiques, dans les couloirs qui jouxtent les lieux où se votent les lois. Qu'on les donne groupe d'intérêt, de pression, tout simplement lobby, ils se retrouvent dans une même activité, représenter et défendre l'intérêt d'un acteur économique, social ou politique. En d'autres termes, le lobbying regroupe toutes les activités qui visent à influer les décisions politiques. Il faut donc mettre en place une stratégie qui vise à convaincre les responsables de ces dites politiques. Mais comment expliquer qu'en 50 ans, Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, soit devenue cette place forte des lobbies? Comment cette activité fonctionne-t-elle? Qui fait du lobbying? Tous les acteurs sont-ils sur un pied d'égalité pour tenter d'orienter la politique européenne? Enfin, quelle est l'efficacité? Mais aussi, quels sont les risques de dérive d'un tel mode de fonctionnement? L'objectif de ceux qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs, dans les années 50, c'était effectivement d'abord de créer un espace commun pour le charbon et l'acier, principalement entre la France et l'Allemagne. Et en fait, la dynamique du rapprochement, de ce qu'on, par ailleurs, dans les discours officiels, on appelle le rapprochement entre les peuples européens, est une dynamique essentiellement économique. C'était d'ailleurs le pari fait par Jean Monnet, par Robert Schuman, c'est qu'il serait plus facile de construire l'Europe politique si au préalable une Europe économique s'imposait. Mais elle s'est à ce point imposée qu'il n'y a pas d'Europe politique, qu'il n'y a qu'une Europe économique dont les liens se sont progressivement créés avec un monde des affaires, national d'abord, européen ensuite et transnational aujourd'hui. Lorsque le politologue belge Raoul Marc Génard est interrogé au début des années 2000 sur la question des lobbies en Europe, ce n'est pas un hasard s'il passe par ce détour historique pour répondre. Le lobbying européen a une histoire propre qui s'inscrit au cœur même de la construction communautaire. La véritable rupture s'inscrit dans la deuxième moitié des années 80 avec la mise en place de l'acte unique et en 92 avec le traité de Maastricht. Signé par les 12 États membres de l'époque, ces traités portés par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, mettent en place toute une série de dispositions supranationales et intergouvernementales. Il s'agit désormais d'organiser, d'uniformiser le nouvel espace économique européen à travers des normes juridiques, économiques et techniques communes. Face à l'établissement de ces nouvelles règles de concurrence économique, on comprend aisément ce que les entreprises européennes ont à gagner et à perdre. Tiens, prenons un exemple. Face à la mise en place d'une nouvelle réglementation commune à tous les États membres, une entreprise peut espérer que le standard décidé sur tel produit sera proche au plus près de ses propres normes de production. Du coup, elle assure la distribution de ses produits sur un marché de plusieurs millions de consommateurs, mais surtout, elle écarte tout concurrent n'étant pas aligné sur ces mêmes standards. Dès lors, convaincre ou influencer les autorités en charge de cette réglementation devient un enjeu prioritaire. C'est donc parallèlement que se crée à la fois une administration européenne dédiée à la mise en place de ces mesures via le Parlement, le Conseil et la Commission, mais aussi des structures externes de consulting, de cabinets de relations publiques, de lobby, en charge de représenter et de défendre les intérêts des entreprises, des États membres ou étrangers, des citoyens, des consommateurs et des travailleurs confrontés à cette nouvelle nomenclature européenne. Le lobbyiste Loïc Desvaux-Lapierre justifie ainsi la mission des lobbies en 2006. Nos démocraties évoluent et force est de reconnaître c'est que nos politiques et nos représentants au sein des administrations ne sont pas censés tout connaître. L'homme a certes des capacités, mais ce n'est pas une machine. Donc il a besoin d'être éclairé dans ses choix. C'est l'objet un petit peu des gens du lobby, d'essayer d'apporter des éléments de complémentarité, mais surtout d'essayer de décomplexifier ces sujets. On peut dire que ce sont des facilitateurs et des accompagnateurs de démocratie. Facilitateur de démocratie, très bien. Mais alors comment cette activité fonctionne-t-elle concrètement et comment s'est-elle développée? En vérité, l'essor des lobbies est né de l'écart qui s'est constitué avec l'élargissement des prérogatives de la communauté européenne. En effet, les fonctionnaires et les élus de l'Union se sont vite retrouvés incapables d'assumer l'ensemble des connaissances techniques à maîtriser en vue de la prise de décision. Alors il suffit d'un chiffre pour éclairer cette situation. Aujourd'hui, la Commission est composée d'environ 30 000 fonctionnaires censés légiférer pour 500 millions d'Européens. On le voit, le ratio est faible. Et c'est là que les lobbies interviennent. Les institutions leur sous-traitent une partie de leur expertise. Ainsi, ces derniers conseils rédigent des notes, informent des conséquences économiques, sociales ou environnementales de telle ou telle loi. À partir de là, comme toute activité, les lobbies ont connu une phase de professionnalisation. Se sont alors développés des codes, un langage, des lieux de rencontre, des stratégies de communication. Au début des années 90, lorsque les médias commencent à s'intéresser au sujet, on voit souvent les reporters suivre un lobbyiste dans les rues de Bruxelles, déjeuner avec un fonctionnaire européen, expliquer l'importance de ses repas de travail, des lieux de rencontre et du relationnel. Cet essor passe aussi par la formation. On peut citer en exemple le Collège d'Europe à Bruges, qui est l'un des premiers établissements à avoir proposé un enseignement centré sur le lobbying. Au départ, à l'échelle européenne, ce sont les avocats qui ont naturellement proposé leurs services aux entreprises grâce à leurs connaissances juridiques, mais on voyait aussi des journalistes lancer leur propre cabinet de consultants. C'est logique, les spécialistes des questions européennes connaissent parfaitement les arcanes des institutions communautaires. Suite à l'instauration du Parlement européen et aux premières élections en 1979, les députés sont devenus une cible privilégiée des lobbyistes. Écoutez ce qu'en disait en 2006 le député européen polonais Bronisław Geremek, ancien ministre des Affaires étrangères. Je vous dirais, presque comme un secret, que j'aime pas beaucoup le lobbyisme, que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait propre. Eh bien, je sais que j'ai tort. Je vous donnerai l'exemple. Quand il y avait au Parlement européen un grand débat sur le REACH, c'est-à-dire sur une directive concernant la production chimique, alors c'était une énorme pression. Je me rappelle, il y avait trois femmes de Pologne qui sont venues à Bruxelles pour me dire qu'elles font partie d'un mouvement des écologistes polonais et que dans leur famille, il y a un cas de maladie due aux produits chimiques. Et elle me dit, vous êtes notre député, nous vous prions, faites quelque chose pour que notre santé ne soit pas mise en danger. Sous l'impulsion de cet entretien, qui était du lobbying classique, j'ai lu ce que d'autres lobbyistes m'envoyaient pour lecture, pour me convaincre. Il a fallu un énorme travail que sans les lobbyistes, je serais incapable de faire. Dans cette intervention, il y a plusieurs choses à souligner. La première, c'est le rôle des lobbies dans la recherche d'un consensus, car ils jouent un rôle essentiel d'interface entre les différents acteurs européens pour la recherche d'une décision acceptable par des partenaires aux intérêts divergents. Quand on sait qu'aujourd'hui, il faut faire émerger un compromis entre 28 pays membres et de multiples groupes politiques, on comprend le rôle toujours croissant des lobbies. Un pied dans les institutions et un pied à l'extérieur, ils paraissent parfaitement adaptés aux contraintes européennes. D'ailleurs, le traité de Lisbonne de 2007 institutionnalise le lobbying. L'article 11 prévoit que les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. Et on en revient à l'exemple Geremek, le député polonais, qui mettait sur un pied d'égalité le lobbying de l'association écologiste et de l'industrie. Ces deux influences opposées lui avaient permis de faire sa propre synthèse. La limite de cet exemple, c'est évidemment la disproportion de moyens financiers entre l'association et le grand groupe industriel. Autre illustration pour mieux comprendre cette limite, en décembre 2006, c'est la directive REACH dont parlait le député polonais qui fait la une de l'actualité. Un cas d'école d'ailleurs cette directive. Elle a été le théâtre de l'une des mobilisations lobbyistes les plus fortes de l'histoire de la communauté européenne. En 2006, l'Union lance un projet de règlement qui prévoit la mise en place d'un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation de plus de 30 000 substances chimiques que les citoyens et consommateurs européens retrouvent dans tous les produits de leur vie quotidienne. Emballages plastiques, produits d'entretien, etc. À l'annonce de cette directive, dans les couloirs de la Commission européenne, une bataille d'influence s'engage. Attablés au cœur du Parlement européen, les représentants des plus grands groupes chimiques mondiaux. Parmi eux, Franco Bisegna. Toute la journée, il hante les couloirs du Parlement pour le compte du plus gros lobby de l'industrie, le CEFIC. Lui aussi fait du porte-à-porte auprès des députés qu'il doit influencer. Ici, un député vert luxembourgeois. Vous êtes quand même d'accord que les produits chimiques qu'on identifie comme étant très problématiques au niveau santé et environnement, qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour les éliminer au plus vite? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et pourquoi pas nécessairement? Parce que si la substance X est utilisée uniquement dans un processus technique qui est sous contrôle total... Qui décide que c'est sous contrôle total? C'est l'industrie, bien sûr. Oui. Face à face, les ONG écologistes, les associations de consommateurs d'un côté, les industries pétrochimiques de l'autre. Ces dernières voient évidemment le danger, car l'exclusion de certains composants chimiques risque de bouleverser considérablement leur mode de production. Se met alors en place une stratégie. Première technique de dissuasion, les groupes d'intérêt financent des protocoles de recherche, recrutent des experts pour produire des rapports minimisant l'impact de la dangerosité de telle ou telle substance. Face à l'afflux d'études contraires, il change de braquet. La deuxième phase consiste à utiliser l'argument du chantage à l'emploi. En effet, les nouvelles contraintes imposées par la directive REACH risquent d'affaiblir la compétitivité des entreprises et de générer du chômage. Et ça marche, ce genre d'argument. Face à la pression du CEFIC, par exemple, la Fédération Européenne de l'Industrie Chimique, une branche de l'UNIS, le MEDEF européen, le président français Jacques Chirac et le chef de gouvernement anglais Tony Blair montent au créneau et adressent une lettre commune à la Commission européenne. Résultat, 2/3 des substances chimiques prévues sont écartées de l'évaluation. Si la directive REACH représente un pas important dans l'histoire de la législation communautaire par son ampleur, on voit que l'influence des lobbies a mis à mal son ambition. Cet exemple de la directive REACH soulève donc des questions sur l'encadrement de l'activité des lobbies. Au cours de cette bataille, c'est notamment l'ONG écologiste Greenpeace qui a souligné le fait que plusieurs membres de la commission avaient travaillé auparavant dans l'industrie chimique. Elle a mis sur le devant de la scène l'un des problèmes fondamentaux posés par les lobbies, le principe des revolving doors, les portes tournantes. La pratique est courante à Bruxelles, c'est la navette des fonctionnaires européens entre les institutions publiques et le secteur privé. En novembre 2015, 9 anciens commissaires européens ont trouvé des postes au sein de grandes entreprises privées, de cabinets de conseil ou de think tanks. Ces derniers les recrutent pour leur réseau et leur connaissance des institutions bruxelloises. Une situation qui fleure bon le conflit d'intérêts. Face à la croissance exponentielle des lobbies ces dernières années, journalistes et associations ont commencé à s'intéresser de plus près aux pratiques réelles de cette activité. Et en mars 2011, une information fait la une de l'actualité partout en Europe. Le 20 mars dernier, le Sunday Times révélait comment ces 3 eurodéputés, un Slovène, un Roumain et un Autrichien, tous anciens ministres, ont accepté de déposer des amendements tout près en faveur du secteur bancaire en échange de sommes allant jusqu'à 100 000 euros. Les journalistes du Sunday Times se sont fait passer pour des lobbyistes auprès de 60 eurodéputés délibérément ciblés. 14 ont mordu à l'hameçon et 3 sont donc tombés dans le panneau. La plupart a démissionné et l'immunité parlementaire du dernier devrait bientôt être levée. Alors la méthode du Sunday Times n'est pas nouvelle, elle fait débat, mais surtout l'affaire jette le discrédit sur la seule institution européenne démocratiquement élue. Les révélations du Sunday Times ont un impact énorme sur l'ensemble de la communauté européenne. Cette fois, on n'est plus dans le conflit d'intérêts présumé ou l'opacité d'un mode de fonctionnement, on est dans la corruption pure et simple. Pour défendre leur activité, les lobbyistes ont beau mettre en avant leur rôle de rouage essentiel dans la politique européenne, leur apport technique et informatique, l'affaire du Sunday Times jette un trouble sur les pratiques employées pour influencer la législation communautaire. Un trouble qui sera accentué un an plus tard par le Dalligate. Monsanto. The moon is full and the seeds are Bruxelles, John Daly, commissaire européen de la consommation et de la santé, mis en cause dans une affaire de fraude, il a immédiatement démissionné. En fait, un entrepreneur maltais se serait servi de ses relations avec John Daly pour faire lever une interdiction de vente sur une variété de tabac. Aucune preuve directe n'a été trouvée, mais le rapport considère que le commissaire était au courant. Daly lui a catégoriquement rejeté les accusations de trafic d'influence. S'il démissionne, c'est pour mieux se défendre, dit-il. Le 16 octobre 2012, la démission de John Daly, commissaire maltais en charge de la santé, surprend les observateurs avertis de la politique européenne, tant il est rare, pour ne pas dire inédit, de voir un commissaire européen démissionner. Surtout que cette décision arrive à un moment charnière. John Daly est en pleine finalisation d'une directive qui prévoit le durcissement de la législation anti-tabac. Et il est connu pour son combat contre le tabagisme. Ainsi, pour de nombreux élus ou proches du dossier, les soupçons de corruption qui pèsent sur lui surprennent. Ce trouble s'accentue lorsqu'on apprend que dans la nuit du 17 au 18 octobre, deux ONG anti-tabac qui partagent les mêmes locaux à Bruxelles sont cambriolées. Les bureaux des personnes qui travaillent sur le projet de directive ont été fouillés et leurs ordinateurs volés. Le 21 octobre, nouveau coup de théâtre, on apprend la démission d'un membre de l'Office européen de lutte anti-fraude, l'OLAF, l'organisme justement qui a mené l'enquête et mis en cause le commissaire John Daly quelques jours auparavant. Curieux. Deux jours plus tard, le commissaire envoie un mail à l'ensemble des parlementaires européens dans lequel il revient sur les conditions de sa démission. Il explique avoir été contraint, donc limogé par José Manuel Barroso, sans pouvoir se défendre sur la seule base de ce fameux rapport de l'OLAF. Concrètement, il lui est reproché d'avoir accepté deux rendez-vous avec Gail Kimberley, un lobbyiste de Swedish Match, une entreprise suédoise de tabac. Lors de ces rencontres, John Daly se serait vu proposer par un homme d'affaires maltais, membre de son parti, un certain Silvio Zamit, la somme de 60 millions d'euros de la société de tabac en échange d'une modification de la directive en préparation. Selon lui, il est tombé dans un piège tendu par les multinationales du tabac, et pour cause. Son limogeage leur permet de retarder le vote de la directive tabac et donc de gagner du temps pour un possible assouplissement. Le député européen José Bové, qui suit le dossier depuis le départ, n'hésite pas à émettre lui aussi des doutes sur cette démission surprise de John Daly. Au moment où éclate ce qu'on rebaptise rapidement le Dalygate, il y a deux types de réactions. Un premier réflexe, unanime, salue la Commission européenne d'avoir révélé l'affaire et d'avoir agi contre cette tentative de corruption. Les lobbies pro-tabac sautent sur l'occasion et par l'intermédiaire de l'Unitab, l'un des plus gros parmi les cigarettiers, il demande l'abandon de l'ensemble des propositions développées jusqu'ici par John Daly. Mais pour de nombreux élus, ONG ou associations anti-tabac, la ficelle paraît vraiment trop grosse. On sent le coup de billard à trois bandes. On s'étonne tout d'abord de la durée de l'enquête menée par l'OLAF, 5 mois seulement, alors que ce type d'investigation prend habituellement au moins 2 ans. De surcroît, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, refuse de rendre public le rapport d'enquête. Alors, où est la clarté dans tout cela? Le député vert, José Bové, décide d'enquêter sur l'affaire et en mars 2013, il organise une conférence de presse. J'ai donc accepté de rencontrer Swedish Match. À cette réunion, deux personnes de Swedish Match étaient présentes, M. Gabrielson et Mme Isaacson. Nous avons discuté pendant 1h21. Premier point, jamais il n'y a eu de deuxième réunion entre Madame Kimberley et Monsieur Daly. L'OLAF demande à Swedish Match de maintenir sa version des faits, dans l'intérêt de l'enquête à Malte et au niveau européen. Deuxième information qu'on apprend, c'est que 2 jours avant le limogeage de Monsieur Daly, un coup de téléphone de la Commission est envoyé à Swedish Match pour leur demander de se tenir prêt, que dans 2 jours, il y aura une conférence de presse et que donc, ils auront intérêt à être prêts pour répondre. On ne peut pas accepter, parce que je suis parlementaire, de garder ça dans un petit cénacle fermé. C'est trop grave comme dysfonctionnement des institutions pour qu'on garde ça pour nous. J'espère qu'on va pouvoir enfin faire évoluer ces institutions européennes qui aujourd'hui, malheureusement, vivent un moment tout à fait difficile. Décidément, l'enquête de l'organisme de surveillance paraît de plus en plus troublante. Quelques mois plus tard, le quotidien maltais Malta Today publie le fameux rapport d'enquête de l'OLAF, et là, surprise, on découvre que le dossier est principalement à charge et qu'il contient de nombreuses zones d'ombre. Alors c'est au tour du directeur de l'OLAF, en charge de l'enquête, Giovanni Kessler, d'être sous le feu des projecteurs. Il faudra attendre le début du mois de juillet 2014 pour que John Daly et José Manuel Barroso se retrouvent de nouveau face à face, mais cette fois devant un tribunal. Il est arrivé comme simple témoin dans une affaire qui sent la poudre. Monsieur Barroso, un petit mot ? Moi, j'ai reçu une lettre du directeur général de l'OLAF en me disant que Monsieur Daly, mon commissaire, avait eu des contacts absolument irréguliers, des contacts secrets à Malte avec des lobbyistes du tabac. Comment serait-il possible de conserver un commissaire dans ces conditions ? Une décision controversée, fondée sur un rapport confidentiel de l'OLAF, l'organe européen anti-fraude. John Daly, qui était chargé de piloter une directive anti-tabac, est accusé de corruption et de collusion avec des industriels du secteur. Mais depuis, les preuves se sont effilochées. L'OLAF n'évoque plus que des indices concordants et les partisans de Daly parlent de machination. Pour moi, après avoir mené l'enquête pendant des mois, je dis qu'il y a eu un complot de l'industrie du tabac pour faire casser la directive que M. Daly était en train de mettre en œuvre. Ils se sont trompés de personne, ils ont cru que parce que c'était le commissaire de Malte, il serait facile à tordre. Manque de chance, M. Daly dans cette affaire est resté droit dans ses bottes. Finalement, quelques mois plus tard, la requête de John Daly n'est pas retenue par le tribunal. Il y a quelques mois, le Dalygate s'est de nouveau invité dans l'actualité. En réponse à la levée de l'immunité diplomatique de son directeur Giovanni Kessler, l'OLAF a annoncé vouloir poursuivre la Commission européenne devant la Cour de justice. L'organisme de lutte antifraude voit dans cette décision une atteinte à son indépendance. On croit rêver. S'intéresser à cette affaire du Dalygate au moment d'aborder la place des lobbies au cœur de Bruxelles, c'est mettre l'accent sur une histoire qui, par son ampleur et ses multiples rebondissements, témoigne des dérives de l'activité lobbyiste dans le fonctionnement de la démocratie européenne. Cette affaire a surtout permis de relancer le débat sur le nécessaire travail de transparence et de régularisation des lobbies dans la politique européenne. On voit bien en quoi la défense des intérêts particuliers, que ce soit celle des entreprises ou des citoyens, est essentielle au bon fonctionnement d'une Europe à 28. Mais la frontière, parfois floue entretenue par les lobbies, pousse à s'interroger sur la légitimité de ces activités au sein de l'Union européenne. Plus de transparence et de contrôle, telles sont les exigences légitimes de la démocratie. Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'Europe des lobbies, notre invité Martin Pigeon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Observatoire de l'Europe industrielle. Vous étudiez justement les groupes de pression, leur influence sur les politiques européennes et vous êtes en direct de Bruxelles. Bah, tout d'abord, pouvez-vous nous parler du travail de l'Observatoire de l'Europe industrielle, justement ? Certainement. Le CEO, Corporate Europe Observatory, a été créé en 1997 autour de la rédaction d'un livre qui est toujours disponible d'ailleurs, qui s'appelle Europe Inc., comment les multinationales construisent l'Europe et le monde, et qui était une première, à ma connaissance, la première radiographie un peu détaillée de, mais sur un mode très analytique et politique aussi, de cette réalité qui est aujourd'hui la présence et le travail des lobbies à Bruxelles dans le quartier européen. Nous sommes une ONG, nous sommes à la fois une organisation de recherche au sens où nous produisons des informations, et donc notre crédibilité évidemment dépend de la fiabilité de ces informations, et en même temps un organisme politique au sens où nous étudions le lobbying des entreprises mais pas des autres. L'idée étant dans notre esprit de redresser l'équilibre entre, et la disproportion plutôt entre le poids des intérêts commerciaux dans le débat politique européen et les autres. Et pourquoi vous dites nous étudions le poids du lobbying pour l'industrie mais pas les autres, les entreprises mais pas les autres, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là, c'est que je soulève un débat qui est la porte d'entrée là-dedans, qui est qu'est-ce que c'est que le lobbying. D'abord, une première observation, c'est que les lobbyistes détestent être appelés comme ça. La plupart préfèrent être appelés professionnels en affaires publiques, en affaires européennes. Enfin, il y a beaucoup de périphrases qui ont été inventées. La deuxième chose, c'est que, dans les bons jours, je dis que moi, je ne fais pas du lobbying, je fais du plaidoyer, parce que nous faisons pression sur les institutions européennes pour un meilleur encadrement, pour davantage de transparence du lobbying. En revanche, dans les mauvais jours, je dis que moi je suis un lobbyiste parce que je suis payé pour influencer la réglementation européenne, certes sur le lobbying, mais la réglementation quand même, sans être élu pour cela, ni redevable devant une autorité politique, devant quelque chose de démocrate. Donc d'un côté, si vous voulez, je considère que le plaidoyer, c'est de la politique, c'est de la représentation, c'est la défense d'une vision de la société, alors que le lobbying, c'est simplement la défense d'intérêts commerciaux et purement commerciaux, et la vérité s'adapte en fait à l'intérêt que vous décrivez. Alors, justement, libre de choisir dans quelle catégorie me ranger. Voilà, on a le sentiment en France, notamment, ça passe mal. On a le sentiment que les intérêts particuliers l'emportent sur l'intérêt général. J'ai l'impression qu'il y a une différence de culture politique avec le monde anglo-saxon, par exemple, qui a intégré l'idée comme étant, un élément de l'activité industrielle, de l'activité commerciale et de l'activité de l'Europe. Est-ce qu'il y a un frein chez nous, un frein culturel? Oui, on pourrait dire ça, mais je dirais plutôt une garantie, plus qu'un frein, d'une part. Et d'autre part, je ne sais pas si c'est spécifiquement anglo-saxon, parce que Bruxelles, ce n'est pas juste anglo-saxon, c'est un peu plus large que ça. Alors certes, on s'y exprime en Brusselish, qui est le sous-idiome local du Globish, qui est encore une version appauvrie de l'anglais, mais... c'est encore autre chose. Le lobbying à Bruxelles, alors effectivement, c'est la deuxième capitale mondiale du lobbying après Washington, mais... Contrairement à Washington, c'est quelque chose qui, comme vous l'expliquiez très bien dans votre sujet avant, c'est quelque chose qui est né de la demande des institutions elles-mêmes. Et ça, c'est très important de garder ça en tête, c'est qu'à Bruxelles particulièrement, les lobbyistes sont demandés. C'est-à-dire que le manque d'expertise interne des institutions, qui n'est pas du tout... disons que les moyens des institutions sont complètement minuscules, en fait. Je ne sais pas quel mot utiliser par rapport au pouvoir qu'elles ont. Un exemple simple, moi je travaille beaucoup sur la politique d'indépendance de l'Agence européenne de sécurité des aliments, par exemple, qui joue un rôle essentiel parce que c'est elle qui évalue scientifiquement la toxicité ou l'innocuité des produits agroalimentaires qu'on met sur le marché. Bien sûr. Et il faut savoir que les 1200, 1300 scientifiques avec lesquels elle travaille, dans ces panels d'experts, sont des volontaires. Elle n'a pas les moyens de les payer. Elle n'a pas les moyens de leur faire faire de la recherche en propre. Donc elle dépend pour ça des études qui lui sont envoyées par les producteurs eux-mêmes. Donc évidemment, vous voyez un petit peu de quel côté la balance penche en termes... Le chiffre que vous avez cité tout à l'heure est tout à fait parlant aussi. 30 000 employés à la Commission européenne, c'est 2/3 des employés de la mairie de Paris, pour une administration qui a le monopole de l'initiative législative au niveau européen. Donc c'est très particulier. Un dernier point, c'est que ça s'explique aussi très bien historiquement au sens où l'administration européenne s'est construite aussi en opposition aux administrations nationales. Vous savez bien que l'information c'est le pouvoir et les informations nationales ont toujours été assez réticentes en fait à partager avec le niveau européen les informations qu'elles avaient. Et donc, la Commission européenne leur est, en quelque sorte, passée par-dessus la tête en allant demander au patronat qui, lui aussi, possédait certaines de ces informations, notamment en matière de politique commerciale, de structuration des marchés, etc., parce que c'était des informations dont la Commission avait besoin. Alors, c'est ça, donc on peut prendre le problème en sens inverse. Est-ce que l'Union européenne, pourrait fonctionner sans les lobbies? Maintenant, c'est la question de l'utilité, quel que soit le regard qu'on pose dessus, de l'utilité technique, disons, des lobbies. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant dans le lobbying, dans son existence, c'est que tout simplement, enfin, l'idée serait pas de revenir au modèle, disons, fordiste ou de l'État à la française traditionnel qui n'existe plus maintenant, mais qu'on pouvait avoir dans les années 60 où l'État est omniscient, omnipotent et pense tout savoir et pouvoir tout faire tout seul. Je pense qu'il est essentiel et indispensable que l'élaboration de la loi et des règlements se fasse en coordination et au minimum en prenant l'avis des gens qui sont concernés. Ce serait bien. Mais ça, c'est concrètement, vous organisez une audition pour ça. Et ça suffit. Et moi, ce qui me pose problème, c'est le mouvement inverse. C'est quand quelqu'un met le pas dans la porte et vient vous voir alors que vous lui avez rien demandé et qui vient vous expliquer que dorénavant, ce que vous devez faire, c'est ça. Et que d'ailleurs, si vous le faites pas, eh ben, il va délocaliser et que ça va, comme vous le disiez tout à fait pour le produit, pour l'initiative REACH, que ça va causer des millions de... Oui, le chantage à l'emploi, notamment. Connu. Exactement. C'est un argument classique. En plus, il est invérifiable, donc c'est très utile. Alors, on parle de Bruxelles Bubbles, de la bulle de Bruxelles. Il y a une sorte d'écosystème. Il y a les lieux, les parcours professionnels, les études, les cercles. C'est un petit monde, le monde du lobbying. Est-ce que c'est... Oui, tout petit, c'est un quartier. C'est ça, quartier. Vous disiez, c'est un quartier. Un petit monde de gens qui se connaissent, qui interagissent aussi en fonction de leurs intérêts propres. Comment ça fonctionne? Ah, c'est difficile à résumer. Oui, d'abord, bien c'est sûr. Une première observation, c'est qu'au niveau urbanistique, c'est très frappant. D'abord, c'est hideux. Ensuite, personne n'y vit parce que c'est on appelle ça la bruxellisation en architecture. Apparemment, c'est une mainmise des promoteurs immobiliers sur l'urbanisme. C'est-à-dire que vous n'avez que des immeubles de bureaux dont l'espérance de vie moyenne, me dit-on, est d'environ 20 ans. Donc ça, c'est une première observation sur qu'est-ce que c'est que ce quartier européen. Ensuite, donc c'est un endroit qui est un endroit essentiellement fonctionnel. Comme je vous le disais, c'est pas tellement un endroit où les gens vivent. Ensuite, c'est un endroit, comme vous le dites très bien, où tout le monde se connaît. Avec des nuances évidemment, parce que ça fait quand même entre 80 et 100 000 personnes, je crois, à peu près. Donc évidemment, vous n'avez pas le temps de rencontrer tout le monde, ni même la possibilité d'ailleurs de rencontrer tout le monde, c'est pas possible. Mais quand même, au niveau des lobbies, nous on estime qu'il y en aura entre 15 et 30 000. Je m'excuse de la largesse de l'estimation, mais c'est juste qu'en l'absence de transparence réelle, on ne sait pas exactement quantifier ça correctement. Donc toutes les estimations que je vous donne, c'est vraiment du doigt mouillé. Même chose pour la répartition. Nous, on estime qu'à peu près 70% représenteraient des intérêts commerciaux, 20% des États, des entités politiques, donc des États, des collectivités locales, et 10% de la société civile organisée, syndicats, associations. Évidemment, ça suffit pas à expliquer leur positionnement, parce que vous avez les États, par exemple, font typiquement du lobby pour leurs grands champions nationaux, comme on l'a très bien vu au niveau de la réglementation des banques, par exemple. Vous aviez par exemple la France qui défendait le modèle de banque universelle qui est celui de la BNP Paribas et de la Société Générale. Vous aviez les Anglais qui défendaient leur fonds de pension et la spéculation financière. Et vous aviez les Allemands qui défendaient les caisses d'épargne locales et régionales qui sont quelque chose d'important chez eux. Alors ça change à chaque fois en fait, c'est du cas par cas. Ouais, donc on va confronter ça à une réalité tout à fait concrète puisque notre reporter Anna Alverzo s'est rendu à Bruxelles donc pour une visite de ce quartier européen dont vous venez de parler. Alors, elle a rencontré Pascal Kernelis, les lobbyistes européens, directeur de l'European Services Forum, le MEDEF européen, en quelque sorte. Pascal Kernelis est notamment un ardent défenseur du TAFTA. Vous savez, le projet de libre-échange transatlantique, entre l'Europe et les États-Unis. On écoute ce reportage ensemble, on le commente ensuite. Déjà, ici, sur ce rond-point, il y a déjà quelques lobbies qui sont là. Sur le rond-point Schuman. Oui, sur le rond-point Schuman. Et notamment le bâtiment qui est là, au numéro 6, où il y a des grosses multinationales qui ont des bureaux de représentation européennes. Là. Oui, qui est là, alors ? General Electric. Ils ont une situation privilégiée parce qu'ils se trouvent vraiment juste en face de la Commission. Ouais. Dans tous les bâtiments là, qui longent cette rue qui aboutit à la Commission européenne, qui relie le Parlement à la Commission, là, c'est les lobbies. Tout autour, là. Tout autour, il y a les lobbies. Ouais. Ouais. Et combien de lobbyistes au total à Bruxelles, Pascal ? Moi, je veux dire qu'on va dire 20 000 pour trancher, mais c'est plutôt 7 ou 8 000 organisations. Pour 45 000 fonctionnaires. Les gens à l'aubier sont beaucoup moins nombreux, on va dire peut-être 2-3 000. 2-3 000 fonctionnaires à l'aubier, vous dites ? Oui, que les organismes comme les miens ont un intérêt à essayer d'approcher pour faire passer des messages. Et il y a 7 ou 8 000 organisations de lobbying. Ouais. Voilà. Dans tous les bâtiments, on peut en trouver. Quand je vous disais qu'il y en avait dans tous les coins, regardez là les plaques. Donc comme vous savez, Bruxelles étant une plaque tournante pour le lobby européen, et comme je vous dis, à chaque fois que je fais une réunion, j'ai des gens qui viennent, pas de toute l'Europe, mais au moins de 5 ou 6 pays à chaque fois. Vous vous emmenez du coup aux convives oui, dans cet hôtel bien sûr. Où eux prennent leur chambre ici, puis on se rencontre ici pour préparer des réunions avant d'aller voir la commissaire. Voilà. Il arrive qu'il y ait des réunions ici avec des parlementaires ou des députés ? Oui, oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est du donnant-donnant. Voilà un exemple des réunions qu'il y a eu aujourd'hui. Séminaire. Donc ça, c'est une réunion faite par la Commission européenne elle-même, dans la salle Allemagne, pour le secteur des transports en Afrique. Toutes les salles et les bâtiments ont une connotation européenne ici, à Bruxelles. Et après, par ici, ils ont un espace où il y a des magasins. Ah, carrément, d'accord. Il y a des magasins dans l'hôtel. Oui, oui. Ouais, ouais, là, il y a une mini supérette. Là, il y a un super bistrot. Là, je fais souvent du lobby. Dans ce bistrot-là ? Oui, avec mes amis chinois ou de Taïwan. On se rencontre assez souvent là. Évidemment, il y a notre bar. Là, il y a un salon de beauté et les chambres sont plus hautes. Et exemple concret de l'influence des lobbies sur les politiques européennes, aujourd'hui même, les États membres de l'Union européenne se sont prononcés sur une prolongation ou pas du glyphosate, le pesticide de Monsanto, pour une durée de 12 à 18 mois en Europe. Il n'y a pas eu de majorité qualifiée, un nouveau vote aura donc lieu ces jours prochains. Mais la France, eh bien, elle s'est abstenue lors de ce vote, alors même que Marisol Touraine, ministre de la Santé, s'est prononcée à plusieurs reprises contre l'usage du glyphosate en France à cause des risques de ce pesticide pour la santé. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines. Qu'est-ce qu'on fait avec le glyphosate, Madame Touraine, si l'Europe, là, demain ou d'aujourd'hui, décide qu'on le réintroduit ? France Info, 18 mai 2016. Marisol Touraine, ministre de la Santé. Le président de la République a dit très clairement lors de son intervention à l'occasion de la dernière conférence environnementale que le glyphosate ne serait pas autorisé en France. Parce même que, si indépendamment des débats sur le caractère cancérigène ou non du glyphosate, nous considérons que c'est un perturbateur endocrinien. Et on a rendez-vous avec Yann Fiché. Yann Fiché, c'est le directeur des affaires institutionnelles de Monsanto France et qui est aussi le porte-parole de la plateforme de lobbying Glyphosate France. Voilà, il défend les intérêts de Monsanto en faisant la promotion du glyphosate qui est présent dans le Roundup de Monsanto. Il fait les deux, à la fois directeur de Monsanto et lobbyiste pour Monsanto. Yann Fiché, pouvez-vous dire aux auditeurs si oui ou non le glyphosate est un produit dangereux pour la santé ou pas ? L'EFSA a publié son rapport en novembre 2015 et aujourd'hui ses conclusions sont là et permettent de dire qu'il n'y a pas de risque inacceptable avec l'utilisation du glyphosate. Donc le produit devrait pouvoir être autorisé. Le CIRC, très sérieux, et qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est rattaché à l'OMS, lui a classé le glyphosate comme un pesticide cancérogène probable pour l'homme. Ces remarques et ces commentaires du CIRC sont tout à fait inclus dans l'évaluation du risque du glyphosate. Et on peut dire aujourd'hui que le produit ne présente pas de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. Quel qu'en soit l'usage, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune raison pour ne pas réautoriser le produit dès que possible. Je me permets juste de revenir sur l'étude de l'EFSA, puisque vous m'en avez parlé. Ce qui est reproché à cette étude, c'est qu'elle s'est appuyée sur les études de la Glyphosate Task Force, qui regroupe 23 entreprises qui commercialisent elles-mêmes le glyphosate. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts ? On peut dire que l'évaluation se fait sur un mélange de données qui sont effectivement de l'industrie, mais de données qui sont également du secteur public. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas réautoriser le produit. Les études dont nous disposons montrent que c'est un perturbateur endocrinien. Marisol Touraine. D'autres études sont attendues pour 2017, mais en tout cas, nous ne renouvelons pas, en attendant ces nouvelles études, nous ne renouvelons pas l'autorisation pour le glyphosate. Le marché du glyphosate en France et en Europe, ça représente quoi ? Le glyphosate est le premier herbicide au niveau mondial. Jean-Charles Bocquet, directeur de l'ECPA, qui représente les fabricants des pesticides. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, on est sur des produits qui sont à plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui en Europe. Moi, je pense que c'est une collaboration. Moi, je pense qu'on fait partie du dialogue social, toutes les activités des lobbies. C'est à ce à quoi on participe. Le dialogue social. Un dialogue pour l'ensemble de la construction européenne. Vous, ce que vous défendez, c'est le néolibéralisme en Europe. Au niveau mondial, absolument. Voilà, Martin Pigeon, les lobbies sont-ils à ce point influents que pour que, malgré un positionnement clair de plusieurs ministres français sur l'affaire du glyphosate, mais la France se soit abstenue. Bon, il y aura un deuxième vote, enfin quand même, elle s'est abstenue plutôt que de voter contre. Comme elle l'a fait les deux fois précédentes. Oui, c'est très intéressant. Il semblerait que ce soit autour du week-end qui vient de s'écouler que la position de la France a subitement évolué, au sens où maintenant elle dit qu'elle s'abstient, mais qu'elle ne veut pas que sa position soit bloquante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On verra. Ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est abstenue ce matin, mais à mon avis, donc du coup, on va en comité d'appel maintenant le 20 juin, sachant que l'autorisation existante de mise sur le marché se expire là à la fin du mois de juin. Donc c'est un moment très intéressant pour s'intéresser à cette question. Que s'est-il passé à votre avis ? Est-ce que les lobbies ont un poids important et lesquels ? Alors sur cette question-là, j'ai aucun élément de réponse à cette question. Je ne sais pas quel argument particulier a fait pencher la balance. Ce que j'observe, il se trouve que moi je suis la question du glyphosate depuis maintenant 18 mois, parce que c'est pas précisément parce que c'est un objet extrêmement intéressant à cause de la notoriété de son producteur, et que nous, ça nous donne l'occasion de jeter la lumière sur des problèmes plus graves et plus généraux par rapport aux problèmes d'évaluation des toxiques en Europe, etc. Sur le glyphosate... Qu'est-ce qui a pu se passer ? Ce qu'on observe au niveau des derniers jours, c'est clair, c'est que le lobby des pesticides a changé de discours, et maintenant, il se fait l'écho des agriculteurs qui sont rentrés dans la danse maintenant et qui nous disent « Mais attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas nous empêcher d'utiliser ce produit, il est trop important, en plus il coûte pas cher, c'est vrai, son brevet a expiré ». Et effectivement, on les comprend quelque part parce que les agriculteurs sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est une des limites du débat qu'il y a ici, c'est qu'il faudrait pouvoir lier ce débat au débat plus général qui est important sur les pratiques agricoles. Le glyphosate, c'est un herbicide à large spectre. On est aujourd'hui en plein milieu de la destruction de la biodiversité la plus rapide et la plus dramatique qui ait jamais été mesurée scientifiquement. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin, qui a encore besoin d'utiliser ce type de produit? Alors évidemment, c'est facile de répondre non, mais il faut pouvoir accompagner après. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément bien fait ici. Donc effectivement, on voit pourquoi est-ce que les agriculteurs se mobilisent. Et comment est-ce qu'il faudrait accompagner ce débat-là ? Si vous me permettez juste un truc sur l'évaluation, parce que ça c'est très intéressant. Il se trouve que c'est une coïncidence, mais il se trouve que la politique d'indépendance du cirque, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à cette question. Je la recommande à l'EFSA depuis 4 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est exclure les conflits d'intérêts et organiser des auditions quand il y a un expert dont vous estimez que son apport est indispensable, mais que voilà, il travaille, il a des financements de recherche de l'industrie, vous pouvez pas le mettre dans votre panel. Il n'est pas indépendant. Voilà. Vous organisez une audition. Alors, les lobbying, c'est aussi quelquefois le combat du pot de terre contre le pot de fer. Parce que j'imagine un lobbying industriel, genre Monsanto, parce qu'on en parlait, mais d'autres, qui sont de véritables forces, des puissances. Et puis en face, vous avez dans le même combat des ONG, qui, on le sait, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes moyens. Est-ce qu'il y a dans ce dossier des lobbying une inégalité de moyens ? Elle est permanente et fondamentale. Et c'est pour ça que la transparence du lobbying ne suffit pas. Elle est indispensable pour organiser la mise en responsabilité, parce que la transparence est un outil de mise en responsabilité du pouvoir, on en a besoin, mais elle est certainement pas suffisante. Ce dont on a besoin, c'est, à mon avis, c'est pas simplement donner plus de sous aux ONG, parce que les ONG, comme je vous le disais un peu en introduction, sont élues par personne. Alors, elles représentent un intérêt qui est un intérêt idéologique, un intérêt d'une vision, une vision politique, et que je soutiens, et je mettrai jamais la pierre à personne pour faire ça. Mais on a besoin d'un arbitre qui puisse, lui, trancher. Et le problème, c'est que quand vous avez des politiques européennes et nationales de recherche qui obligent les universités à établir des partenariats publics-privés avec des industriels et qui, dans le même temps, sabrent les budgets de la recherche publique, on a un affaiblissement dramatique de cette possibilité d'indépendance. Et pour moi, c'est la troisième roue du triangle, si vous voulez, le troisième arrêt du triangle, si vous voulez, dont il faut pouvoir parler. Le lobbying, c'est de l'expertise. L'expertise, ça coûte cher, ça pousse pas sur les arbres. C'est, à mon avis, de la responsabilité de la puissance publique de l'organiser. Et c'est pas en coupant les subsides à la recherche publique qu'on va y arriver. Alors, quand on parle de déficit démocratique en Europe, alors il y a plusieurs causes, plusieurs raisons d'un déficit réel ou supposé de démocratie en Europe. Est-ce que les lobbies en font partie ou feraient partie, construiraient ce déficit eux aussi de démocratie? Bon, c'est difficile à répondre ça. Je pense qu'ils l'exploitent. Je pense que, par exemple, l'activité des think tanks à Bruxelles, qui sont des lieux qui se présentent comme des lieux de débat et de réflexion et de production d'expertise, justement. Alors, faut voir qui paye, qui est le client à chaque fois. Quelque part, ils jouent là-dessus parce que c'est l'occasion pour toutes les personnes qui sont en position de décision ici, que ce soit la Commission, au Parlement ou même parfois les États, de se connecter à un débat, au moins qu'il y en ait un, d'entendre un débat contradictoire. Alors ça tient un peu lieu de simulacre de démocratie. Le problème, c'est que c'est un débat où tous les votants sont des professionnels de l'influence, si vous voulez. Donc ça, c'est pas du tout satisfaisant comme truc. On a parlé tout à l'heure dans le récit de la navette des fonctionnaires européens entre les institutions publiques et le secteur privé. Je rappelle qu'en novembre 2015, 9 anciens commissaires européens ont trouvé des postes au sein de grandes entreprises privées, de cabinets de conseil, de think tanks. Ces derniers les recrutent évidemment pour leur réseau et aussi, peut-être même surtout, pour leur connaissance des institutions bruxelloises. Alors comment limiter les risques de conflits d'intérêts? Parce que forcément ça génère des conflits d'intérêts, ce genre de positionnement pas clair. Inévitablement. Donc, vous avez absolument raison d'insister là-dessus. C'est essentiel. C'est une des sources majeures du pouvoir des lobbies en Europe, mais pas que en Europe. C'est le cas en France et aux États-Unis aussi. Nous, ce qu'on demande pour ça, c'est l'instauration d'un délai de carence entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans ou 5 ans après que vous ayez quitté votre emploi dans la fonction publique, vous ne pouvez pas aller travailler pour une entreprise que vous réguliez précédemment. 3 ans, 5 ans, bon, ça peut paraître. On nous reproche toujours cette recommandation, en nous disant, mais attendez, vous nous dites que vous nous barrez précisément l'accès aux postes les plus lucratifs. Mais oui, mais qu'est-ce que vous croyez que vous vendez? À mon avis, quand vous faites ça, vous vendez des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous vendez des connaissances que vous avez acquises au service de la puissance publique. Vous n'avez pas le droit de les vendre. Mais... Alors, une anecdote, si vous me permettez, ça marche aussi en sens inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous avez un cadre de banque qui est nommé à un cadre à un poste de réglementation important à Washington, il reçoit un très très gros bonus avant de partir, histoire que voilà, ils se souviennent bien d'où ils viennent. Ouais, donc ça fonctionne dans les deux sens. Merci beaucoup, Martin Pigeon, pour ces éclairages sur ces affaires un peu compliquées, mais qui sont importantes, puisque c'est quand même la vie de... Mais c'est comme ça que la décision se prend. Et de centaines de millions de citoyens dans un espace qu'on appelle l'Union Européenne. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Europe des lobbies, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.